Alors, vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL. Le thème de la chronique à venir a fait tout un contraste avec la pièce musicale précédente. Ça va nous faire, ça va nous calmer les neurones pour justement être d'aplomb pour écouter notre prochaine chronique. Donc, nous allons justement aborder maintenant un sujet où la science flirte avec la justice. Il s'agit de la justice intergénérationnelle. Et c'est notre chroniqueur Dominique Matt qui va nous dévoiler de quoi il s'agit. Bonjour Dominique. Bonjour Valérie. Donc Dominique, justice intergénérationnelle, à première vue, on peut se demander ce que ça vient faire dans une émission de culture science civique comme Futur Simple. Qu'est-ce qu'il y a de scientifique dans cette histoire-là? Ben en fait, comme on remarque de nos jours, en fait, autour de nous, de plus en plus, on entend parler de comme de quoi la société prend la terre et tord la terre, en fait, prend sa vie, son essence, on utilise et les ressources sont non renouvelables. Dans le contexte aussi des déchets nucléaires, dans le contexte des changements climatiques, la communauté scientifique se penche de plus en plus en fait vers l'héritage qu'on va léguer envers les générations futures. Oui. Donc envers l'espèce de justice, l'espèce de notion de justice, d'équité intergénérationnelle en fait. Puis afin de bien comprendre le dilemme de justice intergénérationnelle, on va tenter avec toi et en fait avec les auditeurs une expérience mentale. On va se lancer dans un voyage que probablement peu d'entre nous voudraient vraiment faire partie. Mm-hmm. D'accord, allons-y. T'es prête? Ouais. OK, génial. Donc, il faut s'imaginer qu'on fait un voyage sur une très grande distance, dans un train bondé, entre la ville A et la ville B. Juste avant de quitter, à la gare, il y a un expéditeur qu'on va appeler l'expéditeur malveillant, Tom. Tom décide de déposer à l'intérieur du train un colis avec une substance hautement toxique et très instable. Mm-hmm. Malheureusement pour nous, en fait, passagers du train, notre colis est emballé avec une feuille de chou. Donc, au moindre impact ou la moindre manipulation malveillante, soit par quelqu'un d'ignorant ou par quelqu'un qui de malveillant, bien, la vie des passagers, notre vie est en danger dans le train. Il faut préciser qu'il y a très peu de personnes qui sont au courant du colis dans le train. Il y a seulement que... Et les autres personnes, en fait, du train n'ont pas consenti à la présence du colis. Il faut préciser aussi que notre expéditeur malveillant, Tom, croyait fortement et espérait fortement qu'aucun accident n'arriverait. Et pour lui, il n'y avait pas d'autre choix, en fait, que d'envoyer ce colis. Parce qu'en fait, pour protéger la ville A, le seul moyen qu'il y avait, c'est d'envoyer le colis quelque part. Et le seul moyen qu'il y avait, c'était le train dont on fait partie. Donc, c'était son seul moyen de transport. Mm-hmm. Donc, voilà un peu le style de voyage dans lequel on se lance. On peut facilement s'imaginer, en fait, que les gens, que nous, en tant que passagers du train, on a définitivement un droit à blâmer, en fait, l'individu Tom, même si lui était doué de bonnes intentions pour la ville A. On serait en droit de probablement même de poursuivre pour négligence criminelle, en fait, en cours, de le blâmer sévèrement. Non seulement nous, on serait en droit de blâmer le personnage, de blâmer Tom, mais la ville destinataire, la ville B, eux aussi, en fait, qui n'ont pas choisi de recevoir ce colis-là, mais qu'ils le reçoivent comme ça, sans choix, critiqueraient sévèrement aussi, en fait, notre ami Tom. Qui n'est pas notre ami, en fait. En fait, il n'est pas notre ami, mais que lui faisait ça pour le bien, en fait, de sa communauté, pour sa communauté de la ville. Donc, je ne sais pas si vous me voyez bien un peu. On peut faire un peu le parallèle avec, justement, l'entreposage des déchets nucléaires. Il suffit de prendre, en fait, notre train, et au lieu de faire un voyagement dans l'espace, on prend les rails du train, on les met sur une ligne temporelle. Donc, au lieu de voyager dans l'espace, sur des centaines de kilomètres, on voyage dans le temps. Mm-hmm. Donc, les gens à l'intérieur du train, au lieu d'être des passagers, on parle de l'humanité. La ville A et la ville B deviennent ville A temporelle, B temporelle, donc c'est deux dates différentes. Mm-hmm. Et au lieu de voyager sur des centaines de kilomètres, on voyage sur des générations. Mm-hmm. Donc, on est en droit de se demander à partir de maintenant, est-ce que les gens à l'intérieur du train qu'on appelle l'humanité ont des droits? Est-ce que les générations futures de la ville B, de la ville temporelle B, ont des droits? Donc, on voit un peu ici l'espèce de l'essence, en fait, du dilemme d'équité intergénérationnelle, de justice intergénérationnelle. Oui, effectivement. Donc, les technologies qu'on utilise aujourd'hui pourraient générer une certaine injustice qui sera donc vécue par, au bout du train, génération future. Mais quand est-ce qu'on a pris conscience de cette forme d'injustice? Comment le concept est né? En fait, le concept est né dans les années 70 d'abord avec un théoricien qui s'appelle John Rawls, qui a théorisé la justice, mais par la suite, le concept est réellement né au sommet de la Terre à Rio de Janeiro. Un sommet qui s'est déroulé du 3 au 14 juin 1992, qui a réuni plus de 110 chefs d'État et de gouvernement et 178 pays. En fait, c'est à ce sommet-là qu'on a précisé la notion de développement durable. On a aussi adopté un texte fondateur de 27 principes qui se nomme « La déclaration de Rio sur l'environnement et le développement ». On peut voir assez bien l'état d'esprit, en fait, du sommet en lisant les principes, dont le premier principe, je vous le sais, je vous lis. Les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement durable et ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature. On peut aussi voir dans les autres principes une lueur, en fait, une première esquisse du droit intergénérationnel, comme par exemple dans le troisième principe, je cite encore, « Le droit au développement doit être réalisé de façon à satisfaire équitablement les besoins relatifs au développement et à l'environnement des générations présentes et futures. Mm-hmm. » Donc, la conférence demande un développement équitable, soit au plan économique, social, environnemental, pardon, à toute la génération présente, et ce, sans compromettre l'avenir des générations futures. Donc, aussi, en fait, pardon, afin de mettre en œuvre les 27 principes du texte fondateur, ils ont aussi émis 2500 recommandations aux États membres, en fait, qui faisaient partie du scénario pour justement tout mettre en œuvre pour garder les principes d'équité. D'accord. Donc, ce qui est intéressant là-dedans aussi, c'est que ce n'est pas juste la pensée d'un universitaire dans son coin qui étudie la justice, mais il y a vraiment un fondement international. Ça s'est réuni, en fait, pour la première fois à Stockholm avant. Ouais. Ça a été une des réunions les plus importantes, ça a été celle de Rio de Janeiro. Alors, donc, le concept est né. Mais bon, dans la réalité, moi, je n'ai pas souvent entendu parler de ce concept-là. Donc, où est-ce qu'on en est? Bien, en fait, lorsqu'on regarde les conventions internationales telles que Kyoto, telles que la Convention sur la biodiversité ou même la Convention cadre sur les changements climatiques, toutes ces grandes conventions ont une clause intergénérationnelle. Mm-hmm. Mais en même temps, ils ont toujours des notes en bas de page pour dire qu'en fait, la clause intergénérationnelle doit toujours respecter la souveraineté des États membres. D'accord. Donc, ici, on crée un genre d'obligation, mais en même temps, on donne le droit aux États membres d'agir selon leurs propres lois. Oui, donc la souveraineté de l'État membre passe avant la souveraineté. Oui, exactement. Donc, c'est comme si on prend une bonne intention, en fait, et puis qu'on tient dans un raz-de-marée politique, finalement. Donc, les bonnes intentions se perdent assez facilement, se perdent, en fait. Mm-hmm. Il y a aussi plusieurs tentatives qui ont eu le souhait de créer une espèce de charte ou une constitution. Mais là, à partir de là, il y a toujours plusieurs dilemmes qui viennent qui nous aident pas, en fait, à établir une telle charte. Comme par exemple, comment fait-on pour mettre des représentants de régénération future dans une institution politique? Comment fait-on pour choisir ces personnes-là et de façon rationnelle, puisque c'est les personnes, les choix qu'ils vont prendre pour représenter les générations futures, bien, il n'y a personne qui va pouvoir dire si oui ou non, c'est bon pour eux, en fait. Mm-hmm. Puis lorsqu'on réfléchit, en fait, au principe même générationnel, de justice intergénérationnelle, on peut avoir beaucoup de difficultés à juste définir les termes même du principe, parce que selon plusieurs cas d'argumentation, on se bute souvent à plusieurs problèmes. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret? Par exemple, je peux vous en donner deux même. Ouais. Le premier s'appelle le cas d'ignorance. Donc, ignorant presque tout, en fait, de nos prédécesseurs, comment serait-il possible de prendre une décision rationnelle à propos d'êtres qui vont définitivement être hypothétiques, qui sont hypothétiques, en fait, en ce moment. Même si, dans le monde d'aujourd'hui, si demain matin, tous les politiciens du monde décident de prendre des décisions strictement pour le bien d'autrui, donc je répète le strictement pour le bien d'autrui, ce qui risque d'être un monde très utopique, je pense, ces décisions pourraient être fatales quand même pour les générations futures. Donc, ça veut dire qu'une décision qui est rationnelle aujourd'hui ne l'est nécessairement dans le futur. Ouais. Donc, on devrait alors prendre une décision comme ça, on devrait se doter d'une espèce de cadre définissant les comportements humains et leur évolution dans une société. Bien que plusieurs personnes, dont les philosophes, ont tenté de répondre à la question, la réponse n'est pas pour autant à notre portée. Par contre, il est possible de nous définir des qualités de vie minimales. T'sais, on peut facilement se douter que les personnes dans le futur vont avoir besoin d'air, d'eau, d'un climat tempéré qui est non radioactif, par exemple. Mm-hmm. D'accord. Donc, tu parlais aussi d'un autre exemple concret? Oui, en fait, l'autre exemple s'appelle, ce nom, les bénéficiaires disparus. Puis ça, c'est un peu à cause de nos politiques un peu plus, du terme non évolutif, en fait, de nos politiques. Je vous mets ça en exemple, ça se comprend mieux. Imaginons-nous une loi qui restreint le nombre de naissances à un par famille. Mm-hmm. Absolument, ces lois-là sont prises afin de conserver un minimum de qualité de vie aux êtres qui vont venir être présents, en fait. Mais on a, par cette décision, on a délibérément empêché la naissance de plusieurs personnes qui auraient probablement eu une qualité de vie médiocre si on n'avait pas pris une telle décision. Donc, notre décision politique a influencé le cours des choses. Alors, comment fait-on à partir de ce moment-là? Comment fait-on pour prendre une décision, pour donner des responsabilités envers des gens qui, vraisemblablement, n'existeront pas à cause de notre décision politique? Ouais. Donc, prendre une décision rationnelle, il faudrait tenir compte, en fait, du caractère évolutif de nos propres décisions. Et dans le fond, une espèce de terme complémentaire à l'espèce de variabilité de l'évolution de la société, en fait. Mmh. Je crois que le temps passe, il faut qu'on aille quand même un peu plus vite. Donc, ça me semble pas tout, d'après ce que tu dis, ça me semble pas toujours très évident de prendre des décisions pour les générations futures. Et je me demande aussi, est-ce que c'est compatible avec nos systèmes politiques actuels qui travaillent généralement à courte vue, là, à l'échelle d'un mandat électoral? Ben, en fait, c'est un peu notre problème, hein, l'échec des politiques. Lorsqu'on regarde de la démocratie au Québec avec un mandat électoral qui est sur un temps très court, les politiciens n'ont pas nécessairement le temps ni la priorité envers les générations futures. Ce qu'ils veulent souvent, c'est régler des problèmes qui sont plus momentanés, afin de garder leur majorité, en fait, au pouvoir. Donc, ça reste un débat ouvert en politique. Et puis, je pense que pour aller un petit peu plus loin, il faudrait peut-être donner les politiques sur un plus long terme, par exemple, pour que les politiciens aient peur de perdre leur poste s'ils s'attaquent à des problèmes mm-hmm. plus loin. Mm-hmm. Puis avec probablement les problèmes comme les gaz de schiste ou les sables bitumineux, peut-être qu'éventuellement, on va être capable de découvrir des nouvelles théories, une manière d'agir, en fait, convenue. Ouais. Ouais. Puis ça me semble aussi une prise de conscience, bon, peut-être des changements au niveau du politique, mais aussi une prise de conscience au niveau des électeurs, puis des jeunes électeurs qui vont éventuellement faire ce déplacement temporel, eux, qui vont se retrouver dans le futur et peut-être vivre cette injustice. Donc, des fois, ils ne sont pas hypothétiques, eux, sur la question. Non, c'est ça, ils ne sont pas hypothétiques, donc peut-être une prise de conscience aussi pour participer aux élections. Ouais, aussi. En tout cas, c'est un sujet assez complexe, à la confluence de la technologie, de la philosophie, de la politique, de l'écologie. Merci beaucoup, Dominique, de nous avoir ouvert l'esprit à cette forme d'injustice. Et on va terminer là notre émission. C'est le temps de remercier tous les participants de cette émission aujourd'hui, donc les chroniqueurs Dominique Matt et Pierre-Olivier Desmarais. Je remercie aussi Edith.